بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Toujours dans l'exposé de nos devoirs vis-à-vis du prophète صلى الله عليه وسلم, nous continuons dans la traduction des grandes lignes et grands enseignements à retenir du livre intitulé Haqqun Nabi sallallahu alayhi wa sallam de son auteur le noble Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préserve. Nous abordons aujourd'hui, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, le second devoir relatif au fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa sunna. Toute personne qui analyserait les textes du livre et de la sunna se rendrait compte qu'il est un fondement apparent, clair, qui en ressort, à savoir le fait de prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actes. Et cela concerne tout ce qui a été authentiquement rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam en termes de paroles, d'actes et d'approbation. Allah jalla jalaluhu a dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans le verset numéro 21 de la sourate Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans la traduction approchée du sens de sa parole: il y a certes pour vous, dans le messager d'Allah, un bon modèle pour quiconque espérerait en Allah et au jour dernier et évoquerait Allah abondamment. L'imam et grand érudit Ibn Kathir a dit à propos de ce verset que c'est un grand fondement relatif au fait de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes et dans les différents états dans lesquels il a pu être sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux gens de prendre pour modèle et exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment le jour de la bataille des coalisés, que ce soit au niveau de son endurance, de sa patience, de la lutte qu'il a menée et de son attente du secours venant de son Seigneur souverain Azza wa Jal. Donc nous nous rendons compte que le fait d'apporter foi au prophète alayhi salat wa salam et le fait de reconnaître la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam implique le fait d'œuvrer et de mettre en pratique ce qui a été rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons même dire que cela constitue un point fondamental relatif au fait d'apporter foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous visons donc par là se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla jalaluh a dit: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur souverain, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne te prendront pas comme juge dans leur litige, sans éprouver de gêne face à ta sentence, et tant qu'ils ne se seront pas totalement soumis. Comme on le retrouve dans le verset numéro 65 de la sourate An-Nisa. Et c'est cela qui correspond réellement au fait d'émigrer vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire à l'ensemble des créatures de suivre la sharia du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être fidèle à sa sunna et de se soumettre à ses sentences, de les agréer. Et l'individu ne doit ressentir aucune gêne face à cela, mais il doit plutôt se soumettre entièrement, car il n'est aucun bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait indiqué aux membres de sa communauté, de même qu'il n'est aucun mal sans qu'il ne les ait mis en garde à son sujet. Il est donc obligatoire que tu saches que le prophète alayhi salatu wassalam est plus savant que toi à propos de ce qui constitue un intérêt pour toi, de même qu'il est plus savant à ce sujet que tes parents et que l'ensemble des gens. De même que nous pouvons dire qu'il aimait plus le bien pour toi que tu ne peux l'aimer toi-même. Allah Jalla Jalaluh a dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, verset numéro 107. Il est donc un effet de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est également un bienfait dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait part à ses serviteurs et à l'ensemble des créatures. À propos de ce sujet, à savoir le fait de se soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui obéir et de suivre sa sunna, nous pouvons soulever plusieurs points. Premièrement, les preuves appuyant le fait qu'il est obligatoire de lui obéir. Preuve étant tirée du noble Coran. L'imam respecté, l'imam des adeptes de la sunna, l'imam Ahmed, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit « J'ai regardé dans le Coran et j'ai trouvé que l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est mentionnée dans 33 passages. Parmi ces passages-là, auxquels l'imam Ahmed a fait référence, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Man yuti'ir rasoula faqad ata'a Allah » Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Surat An-Nisa, verset numéro 80. De même que sa parole, wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun. Et obéissez au messager afin que vous soyez fait miséricorde. Surat An-Nur, verset numéro 56. Également la parole d'Allah Jalla Jalaluh, qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humimtum wa in tuti'uhu tahtadu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, alors sachez qu'il n'est responsable que ce dont il est chargé et que vous êtes responsable de ce dont vous avez été chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Jusqu'à la fin du verset 54 de Sourate An-Nur. Également, on peut citer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ dit, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous vous détournez, alors sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants. Surat Ali Imran, verset numéro 32. Et les versets tirés du livre d'Allah, Jalla wa Az, allant dans ce sens, sont nombreux. Et dans plusieurs autres passages du livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, on trouve l'ordre donné par Allah, Jalla Jalaluh, de suivre son messager, sallallahu alayhi wa sallam. et de le prendre comme exemple. Allah Jalla wa Ala a dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » Dit « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Certes, Allah pardonne abondamment et est très miséricordieux. » Verset numéro 31 de la sourate Al-Imran. Il a également dit, Jalla wa ala, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Apportez donc foi à Allah et en son messager, le prophète illettré, qui apporte foi à Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Verset numéro 158 de la sourate Al-A'raf. Donc tout le bien réside dans le fait de le suivre. Et de s'en référer à sa charia et à sa sunna. Et tout le mal réside dans le fait de s'opposer à sa voie. Et de déroger à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Le second point est relatif aux preuves appuyant l'obligation de son obéissance et qui, quant à elles, sont issues de la sunna. Et elles sont également très nombreuses. À titre d'exemple, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit, comme cela a été recueilli par Al-Bukhari dans son authentique, « Priez comme vous m'avez vu prier ». Également le fait qu'il ait dit, comme cela est recueilli par Muslim dans son authentique, « Prenez de moi vos rites, car je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'accomplir le pèlerinage après ce pèlerinage-là. » Donc on retrouve ici cet ordre qui est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Prenez de moi vos rites, c'est-à-dire apprenez-les de ce que vous me voyez faire. » On peut également mentionner ce hadith recueilli par Al-Bukhari dans son authentique, relaté par Abu Huraira, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'ensemble des membres de ma communauté entreront au paradis sauf ceux qui s'y refusent. » Les compagnons alors présents ont alors dit « Ô messager d'Allah, et qui donc refuserait ?» Dans le sens où c'est là quelque chose qui défie la raison. Qui donc pourrait refuser d'entrer au paradis? Et qui donc pourrait ne pas vouloir le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit s'y sera refusé. » Le grand érudit Ibn Hajar a dit dans Al-Fath que ce qui est voulu par le refus ici, c'est le fait de s'abstenir, c'est-à-dire s'abstenir d'obéir. Et si la personne concernée par ce refus est mécréante, alors à la base, elle n'entrera pas au paradis. Si par contre la personne visée et musulmane, alors ce qui est voulu, c'est que l'accès au paradis lui sera interdit au début, c'est-à-dire lorsque les gens qui sont voués à entrer au paradis commenceront à y entrer. La personne en question qui se sera refusée d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam tout en étant musulmane n'entrera pas à ce moment-là, mais il rentrera plus tard. L'imam et grand érudit Ibn Hibban al-Busti a dit dans son authentique, obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est se soumettre à sa sunna. On peut également mentionner parmi les preuves appuyant l'obligation de lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith relaté par Al-Arbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a accordé une exhortation qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous avons alors dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, je vous commande la crainte pieuse d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Restez donc fidèles à ma sunna et à la sunna des califes, bien guidés en parole et en acte après moi. Mordez-y avec vos molaires et méfiez-vous des choses inventées en religion, car toute hérésie est un égarement. Ce hadith a été recueilli par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. Et c'est un hadith qui est authentique. Dans ce hadith qui est grandiose, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur deux points. Premièrement, le suivi, c'est-à-dire de sa sunna, et deuxièmement, le rejet de l'hérésie, le rejet du fait d'innover en religion. Et quiconque analysera le parcours des devanciers de cette communauté, parmi lesquels les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se rendra compte qu'ils ont justement cheminé sur la voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette recommandation éminente. Et se rendra compte également qu'ils ont saisi ces ordres divins et prophétiques et les ont mis en application en les agréant et en s'y soumettant. Et cela nous mène justement à faire mention de certaines paroles qui ont été rapportées des imams comptant parmi les premières générations de cette communauté. Paroles mettant en évidence le fait qu'ils ont combattu tout ce qui s'oppose à ce grand principe-là qu'est le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces paroles, nous pouvons citer celle qui a été rapportée de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit « Le fait de s'économiser à mettre en application la sunna est meilleur que le fait de s'évertuer à innover en religion. » Il a également dit, radiyallahu an, nous suivons et n'instaurons rien de nous-mêmes. Nous suivons et n'innovons pas en religion. Et nous ne nous égarerons pas tant que nous resterons cramponnés et attachés au récit de ceux qui nous ont précédés. Il a également été rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il a dit, il n'est pas une année qui s'écoule sans que les gens n'y revivifient une hérésie et par là même n'y fassent mourir une sunna. Et ce jusqu'à ce que les hérésies se répandent et que les sunna et traditions prophétiques meurent. Il a également dit, radiyallahu anhuma, reste fidèle à la crainte pieuse d'Allah et à la droiture. Suis et n'innove pas en religion. Il a également été rapporté de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qu'il a dit, toute hérésie, c'est c'est-à-dire toute innovation en religion, est un égarement, même si les gens la considèrent bonne. Il a été rapporté d'Al-Hassan al-Basri, comme cela est notamment recueilli par Ibn Abi Hatim al-Zuhd, qu'il a dit, certaines personnes ont dit, ô messager d'Allah, nous aimons Allah. Allah Azza wa Jal a alors voulu placer un signe indiquant l'amour qu'ils éprouvaient pour lui. Et c'est alors qu'il a révélé Azza wa Jal, Ol, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah pardonne abondamment et est très miséricordieux. Il a été rapporté de l'imam Malik ibn Anas qu'il a dit, quiconque instaure dans l'islam une hérésie en la considérant bonne, a certes prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message qu'il devait transmettre. Étant donné qu'Allah azza wa jal a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Donc, ce qui ne faisait pas partie de la religion ce jour-là, n'en fera pas partie aujourd'hui. Et bien souvent, il répétait le vers suivant, « Wa khayrul umuri ma kana sunnatan, wa sharrul umuri al muhdathatul bada'i'u. » Les meilleures des choses sont celles qui relèvent de la sunna, et les pires d'entre elles sont celles qui ont été innovées et instauré, c'est-à-dire instauré dans la religion. Après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Des paroles allant dans ce sens ont également été rapportées de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. De même que de Sahl ibn Abdullah al-Tustari, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ce dernier disait, restez fidèles au récit de ceux qui vous ont précédé et à la sunna, car j'ai peur que prochainement un temps arrive au cours duquel, lorsque l'individu mentionnera le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de le prendre pour modèle dans l'ensemble des situations, il se verra blâmé, fui et rejeté. Et il verra les gens se désavouer de lui et chercher à le rabaisser et à l'humilier. D'autres paroles ont été rapportées de Sahl ibn Abdullah al-Tustari, comme nous pouvons notamment le retrouver dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi du grand érudit ibn Abd al-Barr, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur fasse miséricorde. De même que de Uthman ibn Sa'id al-Darimi, comme on peut le retrouver notamment dans Sir A'lam al-Nubala, et d'autres parmi les grande figure de cette communauté. Et étant donné que ce n'est qu'un résumé, je m'en tiendrai à cela pour aujourd'hui en vous renvoyant vers le livre original. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.